dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue? Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain? Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment, après la défaite de Waterloo en 1815, le démantèlement du Louvre, de facto grand musée européen, a-t-il été évalué par les témoins? Peut-on distinguer alors un modèle européen d'universalisme? Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e-20e siècle au Collège de France, dirige le département d'histoire de l'art de l'Université technique de Berlin. Dans sa série intitulée 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, elle a rappelé précédemment combien le moment 1815, cet événement a été avant tout un événement militaire lié au lien entre les arts et les armes qui avait été institué autour de 1800 par la politique française, et elle nous a introduit à ce moment de reprise des œuvres d'art en 1814 et 1815. Bénédicte Savoie souligne l'actualité de ce débat, y compris au-delà du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, la question des restitutions d'œuvres d'art. Nous nous sommes aperçus, nous dit-elle, que de multiples voix en Europe s'étaient mêlées à la discussion de l'avenir de ces œuvres restituées par la France, avant de poser la question de la manière dont les témoins européens, réunis à Paris en 1814 et en 1815, ont évalué le démantèlement du Louvre, avec un va-et-vient entre le sentiment qu'un monument européen sans pareil allait être détruit d'une part, et que c'était une perte pour l'histoire de l'art notamment, mais que le prix qu'avait coûté la réunion de tous ces trésors à Paris était trop important et qu'il fallait, semble-t-il, à certains, restituer. Se pose alors la question de l'universel, des universels au pluriel, et de la possibilité de créer un musée ou des musées universels qui dépasseraient cette contradiction d'une concentration à Paris des chefs-d'œuvre. Mais ce terme d'universel, si souvent employé à l'heure actuelle, d'où vient-il? Était-il connu en 1815? L'œuvre étudiée aujourd'hui pour ouvrir cette question de l'universel est une aquarelle représentant des Cosaques en visite à Paris en 1814. Nous gagnons le Collège de France le 8 mars 2019 pour le cours de Bénédicte Savoie, aujourd'hui, à chacun son universel. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette troisième séance de notre cours intitulé 1815 années zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Nous sommes aujourd'hui encore, pour la troisième fois, et ce sera le cas encore la prochaine fois, à Paris, pendant le démembrement du grand musée Napoléon, du Louvre. Et puis, nous quitterons Paris et nous accompagnerons les œuvres au moment de leur retour. Nous irons à Venise, nous irons à Cologne, nous irons à Berlin, et nous verrons ce qui se passe quand les œuvres rentrent chez elles. Donc on est en fait d'abord en train de voir comment s'organisent les départs, et ensuite on verra comment s'organisent et comment sont négociées les arrivées de ces œuvres. En 1815, après Waterloo, le Louvre est obligé de restituer les chefs-d'œuvre qu'il avait conquis. Et cette caricature de 1815 nous montre bien, du point de vue britannique, cette fois, combien la situation en 1815 est beaucoup plus tendue. Vous voyez ici donc une caricature de Cruikshank, qui est le grand caricaturiste anti-napoléonien des années 1814-1815. Elle est conservée, ou cet exemplaire est conservé au British Museum. Vous voyez donc son nom ici, Cruikshank. Ici, en bas à droite, la date de dessin et de publication de cette gravure, 1815, en novembre, et le titre, l'après-coup de la tragédie de Waterloo, Madame Françoise et ses managers. Alors, Madame Françoise, c'est la France que vous voyez au centre de cette gravure satirique en très mauvais état. Elle est attachée aux poignets et aux chevilles par de lourdes chaînes. Un personnage en armure lui remplit la bouche de toutes sortes de soldats. Les différents managers sont en fait les alliés. Vous voyez ici Alexandre de Russie, l'empereur François Ier d'Autriche, et puis le roi de Prusse, qui tous plus ou moins la maltraitent avec des... ici, légende qui serait trop long pour notre séance d'aujourd'hui de déchiffrer toutes, mais je monte simplement vers la partie supérieure gauche de cette gravure très riche sur laquelle on voit le Louvre, la tête en bas. Donc un édifice étant signalé comme être le Louvre par ce bandeau, avec l'année 1815 en dessous du titre le Louvre, donc bâtiment la tête en bas avec le toit en bas et la porte en haut, et des commentaires ici d'observateurs qui disent « Ah mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tout a été renversé. » Ah oui, ça ressemble plus du tout à ce que ça a été. Et puis sur ce panneau ici est indiqué que le Louvre va être transformé en Bastille et que les artistes sont désormais invités à produire des plans de rénovation pour transformer ce musée, qui n'est plus un musée, en Bastille. Donc on voit bien avec cette gravure aussi que l'opinion publique internationale a pris part non seulement à la seconde défaite de Napoléon, à Waterloo, aux événements politiques, aux événements militaires, mais aussi, et c'est extrêmement lié directement ici sur cette page, au destin du musée Napoléon. Et nous voilà arrivés dans notre troisième séance qui s'intitule « À chacun son universel ». À chacun son universel parce que jusqu'à maintenant, on a peu parlé de rhétorique, de discours, de réflexion sur le musée. On a parlé de chronologie, d'action militaire et d'action diplomatique. Donc on reste dans la même période, on reste à Paris, mais on va essayer de regarder quelles sont les réflexions, quelles sont les voix qui s'élèvent sur le musée et qu'en pensent les Européens. Pour cette séance, je me suis appuyée sur la bibliographie habituelle que j'ai déjà présentée la semaine dernière et qui va nous accompagner pendant toutes ces séances, mais j'ajoute quelques titres qui m'ont servi particulièrement. D'abord un article et en général tout ce qu'a écrit Dominique Poulot, le grand historien internationalement reconnu des musées français et en particulier du musée Napoléon. Ici, un article qui porte comme titre « Le musée universel, une illusion chauvine ». C'est en fait un chapitre de l'un de ses ouvrages « Histoire des musées de France ». Par ailleurs, une série de conférences d'Étienne Balibar intitulée « Des universels » qui pose la question de l'universalisme au singulier ou au pluriel. Que fait-on de cet idéalisme? Est-ce un idéalisme? Qu'est-ce que cela signifie de prononcer ou de se prononcer pour un modèle universel? Et par ailleurs, j'ai adjoint à ça une relecture de la déclaration sur l'importance et la valeur des musées universels, une déclaration signée par 19 musées et formulée par 19 musées et signée par eux en 2002, qui essaye de nous faire comprendre en quoi le musée universel continue comme modèle de nous occuper aujourd'hui et en quoi sa définition, sa composition a été affectée par les années 1800-1815. Alors ce qu'il faut bien dire ici, c'est que le terme de musée universel n'est pas un terme de l'époque que nous trouvons dans les sources des années 1800. On connaît l'universalisme de la Révolution française, donc l'idée que les droits de l'homme sont universels, qu'il faut les exporter hors de la France, mais la conjonction musée universel ne se trouve pas dans ces sources des années 1800. Il semble bien plutôt que ce soit une invention du 21e siècle et on trouve la trace de cette expression et d'ailleurs entre guillemets ici, et c'est intéressant que ce soit entre guillemets, dans cet ouvrage de Kim Sloan de 2003, consacré à la Galerie des Lumières du British Museum, qui venait alors d'ouvrir, que vous connaissez peut-être directement quand on entre au British Museum à droite. Et la première partie de ce catalogue d'exposition s'appelle « Le musée universel ». Et c'est là, semble-t-il, que cette expression prend forme et commence à faire carrière, en fait, dans l'historiographie sur les musées. Si on regarde les sources de notre époque, si on regarde, par exemple, la correspondance de Dominique Vivant-Denon, on ne trouve pas cette expression, mais bien sûr, on trouve, et on l'avait évoqué dans les séances précédentes, l'idée que le Louvre ou le musée Napoléon est le plus beau musée de l'univers. Alors, entre l'univers et l'universel, il y a un pas. J'ai retrouvé la lettre où on trouve cette expression que vous connaissez, vous avez déjà entendu, du plus beau musée de l'univers. Il s'agit d'une lettre publiée dans la correspondance administrative de Dominique Vivant-Denon, que j'ai déjà citée plusieurs fois. Il s'agit d'une lettre de mars 1810 à Monsieur Daru de Denon, le directeur général du musée Napoléon, donc Denon, directeur général du musée Napoléon, à l'intendant général de la maison de l'empereur. Le 2 mars 1810, on est environ 6 jours avant le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, qui vont se marier, comme vous le savez, dans la Grande Galerie du Louvre, qui auront une grande cérémonie européenne dans la Grande Galerie du Louvre. Donc 6 jours avant, Denon et ses équipes sont dans les préparatifs au Louvre. Le musée va être un lieu très politique. Monsieur l'intendant général, depuis le dernier envoi que j'ai fait à Compiègne, c'est-à-dire dans l'une des résidences de Napoléon, j'ai fait travailler jour et nuit à la restauration de quelques tableaux extraits de notre hôpital, non pour remplacer, mais pour boucher tant bien que mal les lacunes qu'avait laissées la décoration du salon de Compiègne. Alors, ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que Denon, avec les réserves du Louvre, est censé décorer Compiègne, que du coup, ça fait des lacunes dans son musée et qu'il essaye tant bien que mal de boucher les lacunes, nous écrit-il. Il y aura peut-être parmi ces tableaux, donc qu'il vient de faire restaurer, il y aura peut-être parmi ces tableaux quelques productions qui pèseront sur ma conscience, c'est-à-dire de mauvais tableaux, en quelque sorte. Mais le public s'occupe de la grande cérémonie du mariage et de l'intérêt attaché aux augustes personnages qui en font l'objet, Napoléon et Marie-Louise, et n'apercevra point ce qu'en d'autres temps il pourra prendre pour des négligences ou des fautes de connaissance. Donc, en gros, on va faire un décor très très bien, et le public n'y verra que du feu, puisqu'il aura les yeux fixés sur le couple qui va se marier. Et voilà la phrase qui termine cette lettre. « Vous pouvez donc, monsieur l'intendant général, assurer sa majesté que le public et les étrangers verront que sa cour traversera le plus beau musée de l'univers. » On est ici, donc, dans cette logique de démonstration de beauté ou démonstration muséographique nationale. On est en train, pour ce mariage qui va attirer beaucoup d'étrangers, qui va attirer les regards de toute l'Europe, de transformer le musée en un lieu insurpassable de beauté. La beauté, l'univers, le musée, tout ça est absolument lié, mais on ne parle pas de musée universel. Donc on va essayer aujourd'hui de démêler un petit peu ces fils en trois chapitres, comme toujours. Le premier s'intitule 1814-1815, l'Europe au musée. Deuxièmement, l'universel et ses contradictions. Et troisièmement, universel au pluriel, donc non pas un universel, un musée universel, mais des formats différents, pensables, qu'on peut imaginer des options d'autres formes d'universalité. Et pour commencer, comme toujours, l'objet du jour que vous avez déjà vu aujourd'hui, l'objet du jour qui est une aquarelle, tirée d'une série d'aquarelles, de 45 aquarelles au total, d'un aquarelliste, dessinateur, peintre, illustrateur né à Prague, dont le nom est Georges Georg Emmanuel Opitz, ça s'écrit O-P-I-Z, ou parfois ça s'écrit O-P-I-T-Z, un peintre qui est arrivé en 1813 à Paris dans la suite de la duchesse de Courlande et qui va à Paris en 1813 et 1814 dessiner, documenter la présence des troupes alliées et en particulier des Cosaques. Alors, on va revenir dans un instant sur notre objet du jour, sur ce dessin. Je vous montre simplement que ces dessins ont été publiés dans un ouvrage bilingue en russe et français intitulé « Les Cosaques à Paris en 1814 », dont je vous recommande la lecture. Et par ailleurs, ces aquarelles sont conservées, 25 d'entre elles sur 45 au musée historique de Moscou, 4 sont à Paris au musée Carnavalet, 6 à la Bibliothèque nationale de France et 10 à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire que cette vision de Paris en 1814 elle-même est répartie maintenant en Europe et en quelque sorte un patrimoine partagé, un patrimoine divisé entre différents musées européens, en tout cas en Russie et à Paris. Alors je vous montre quelques-unes de ces autres aquarelles. Elles ont un format à peu près de 40 par 30, donc un beau format, elles ont toutes le même format et elles représentent la présence de l'arrivée des Cosaques, donc de ces soldats russes très particuliers qui semblent avoir attiré extrêmement l'attention des Parisiens et des Parisiennes autour de 1814, si on en croit différents témoignages. Les Cosaques, qui étaient, comme vous le savez, la cavalerie irrégulière de l'armée russe et qui ont été nombreux à participer aux guerres contre Napoléon, qui arrive à Paris donc en 1814. Je vous montre simplement cette gravure-ci où on voit un Cosaque et un autre ici dans les galeries du Palais Royal. Elle est extraite ici de Gallica et je ne peux que vous inviter à aller par vous-même regarder et zoomer dans ces dessins d'une extrême précision qui nous donne non seulement une idée des mœurs, peut-être une idée caricaturale de ces Cosaques en train de flirter ici avec de jolies Parisiennes, mais qui nous donne aussi une idée du décor, une idée très précise des décors dans lesquels évolue donc cette armée, non seulement russe, mais tous les Européens qui arrivent à la suite des armées à Paris en 1814. Vous voyez ici le type d'amusement qu'on trouvait dans les galeries du Palais Royal, ombre chinoise, magasin cachemire mérinos, café américain, etc., etc. Et toutes ces illustrations, tous ces dessins nous permettent de plonger dans la vie parisienne de ces quelques mois occupés par les armées étrangères. Autre exemple, c'est la feuille la plus connue de cette série, les Cosaques en train de se baigner dans la Seine, enfin plutôt de baigner leurs chevaux. Vous savez que les Cosaques ont la réputation d'être en osmose avec leurs chevaux depuis leur plus tendre enfance. Et on les voit ici en train de descendre donc dans la Seine à poil, ici, enfin presque, et de se baigner avec leurs chevaux ou de baigner leurs chevaux. Une scène qui paraît être un spectacle exceptionnel pour les Parisiens et les Parisiennes étonnés. Dans les lettres historiques de Pierre Dardenne, un civil qui a documenté ses expériences de la campagne de 1814, donc un Français qui voit passer ses Cosaques, vous n'avez jamais vu de Cosaques. Figurez-vous des hommes généralement d'assez mauvaise mine, de taille médiocre, barbus comme des chèvres et laids comme des singes. Leur habit est une espèce de robe faite à peu près comme une soutane de prêtre, d'un drap bleu et d'une ceinture rouge. Les uns ont sur la tête un bonnet haut et cylindrique, les autres un chapeau rond en forme plate. Plusieurs mettent sur leurs épaules un large manteau de peau d'ours. Ils n'ont point d'uniforme et leurs habits sont de différentes couleurs. C'est vraiment la canaille de la Russie que ces Cosaques. Et cette canaille de la Russie, précisément, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans ce dessin-là, dans cette aquarelle-ci que nous voyons à l'instant, cette canaille de la Russie, pour reprendre l'expression de Pierre Dardenne, va aussi entrer au musée Napoléon, comme tous les Européens qui sont à ce moment-là à Paris, qui sont arrivés avec les armées. Donc non seulement les soldats, les officiers, mais également ceux qui les accompagnent, parfois, qui sont parfois des civils. On voit ici donc deux de ces Cosaques, ou deux personnages masculins de grande stature, dont l'uniforme nous signale ou suggère qu'il doit s'agir de Cosaques, avec la couleur caractéristique rouge et bleu de leur uniforme et ces chapeaux qui viennent d'être décrits. Ils sont au Louvre avec un public féminin et même enfantin, on voit ici une petite fille, face à l'Apollon du Belvédère qui est largement éclairé. L'Apollon du Belvédère saisi par les armées du Directoire est transporté à Paris et arrivé à Paris en 1798. Apollon du Belvédère qui appartenait aux collections pontificales et qui donc reste à Paris en 1814 et qui continue depuis qu'il est à Paris avec le groupe du Laocoon et la Vénus Médicis à constituer l'un des highlights du musée Napoléon. L'une des pièces les plus importantes. Et ici, Opitz, le dessinateur, s'amuse à établir un contraste entre cette pièce de la plus haute, de la plus élégante, de la plus prestigieuse antiquité gréco-romaine d'un côté, et de l'autre côté, en quelque sorte, ces barbares qui ici n'ont pas de peau d'ours, mais qui entrent au musée et qui ne se comportent pas comme des barbares, mais qui par leur pose, elle-même vue de dos, prennent un petit peu cette stature d'Apollon du Belvédère. Ils se tiennent droit, ils lèvent le bras comme l'Apollon du Belvédère lève le bras, et on voit qu'il y a une sorte d'interaction entre la beauté, la civilisation, l'antiquité et les steppes, la barbarie, les Cosaques, les canailles de l'Europe, une interaction qui se produit ici grâce au musée. C'est ça l'effet du musée universel, en quelque sorte, un lieu qui sert à toucher tout le monde, y compris les plus bas soldats. C'est le message que nous donne, si on veut l'interpréter, cette aquarelle de Georg Emmanuel Opitz et qui va nous servir de fil conducteur aujourd'hui. Alors, première partie, 1814-1815, l'Europe au musée. L'Europe au musée, c'est la présence, tout d'un coup, à Paris, alors que Paris était déjà devenue une capitale, pour utiliser un terme anachronique, de ce qu'on pourrait appeler du tourisme européen, des visiteurs, à part les visiteurs anglais qui étaient empêchés par le blocus continental, mais les visiteurs de l'Europe entière viennent à Paris à partir de 1803-1804 en très grand nombre. Ils décrivent ce qu'ils y voient, la Bibliothèque nationale, le muséum, le Louvre. Ils utilisent ses collections, ils décrivent les plaisirs, et en 1814, ils arrivent en plus grande masse encore et vont occuper Paris de mars, enfin pendant presque un an, de mars 1814 au 100 jours en mars 1815. Dominique Vivant-Denon est extrêmement conscient du rôle que peut jouer, que doit jouer son musée dans ce contexte, d'autant qu'il craint, comme on l'a vu, et parce que ça avait été discuté, de possibles des restitutions. Le 3 août 1814, il écrit au comte de Blacas, ministre de la Maison du Roi, « Monseigneur, j'ai l'honneur de prévenir Votre Excellence que samedi 6 août, la galerie d'Apollon, où sont exposés les dessins des grands maîtres, les émaux de Petitot et les tables de mosaïque en pierre fine de Florence, c'est-à-dire saisies à Florence et arrivées en 1803, sera ouverte au public. » Donc on est dans Paris occupé par ces différentes armées, britanniques, russes, autrichiennes, prussiennes, et le musée est ouvert. J'ai pensé, Monseigneur, qu'il était nécessaire que le musée fît voir la plus grande partie de ses richesses en ce moment. Donc non seulement il est ouvert, mais il est ouvert maximalement. D'abord, pour en faire jouir les étrangers qui abondent dans la capitale, et ensuite pour détruire le bruit qui commence à circuler, que l'on fait de grandes restitutions aux souverains de l'Allemagne. Le départ de 30 caisses qui ont été remises au commissaire prussien a pu occasionner ces propos, et le seul moyen de les faire cesser est de montrer l'établissement dans tout son lustre. Si votre Excellence pouvait obtenir du roi, c'est-à-dire de Louis XVIII, qui vient d'être réinstitué, qu'il daignât honorer l'exposition de sa présence et voir en même temps le musée des Antiques, Sa Majesté n'aurait que le grand escalier à descendre et pourrait retourner à son palais en voiture. Donc on voit ici Dominique Vivant-Denon utiliser le musée pour les étrangers aussi et pour le roi. Donc en quelque sorte, en faisant une intégration européenne, il invite le roi Bourbon restitué à venir, remis en place à venir au musée, et il fait en sorte que son musée attire le plus de visiteurs possible. Avec l'idée, probablement, que si le musée se montre dans ce grand, grand lustre, on hésitera à le démanteler. Et l'idée d'universalisme ou d'universel qui se cache ici, derrière ça, c'est l'idée que le succès et surtout la possibilité pour chacun, pour tous ces Européens, de venir au contact des œuvres, légitime le maintien de ces œuvres qui ont été prises dans des conditions plus ou moins irrégulières. Alors, on avait vu la semaine dernière, ces représentations de l'entrée des Alliés dans la capitale. Je vous les remonte pour vous rappeler combien sont nombreuses les troupes qui arrivent. On est vraiment dans une situation d'occupation, pas seulement d'entrée dans la ville, mais d'occupation pendant plusieurs mois, comme je viens de vous le dire. Les Russes, l'entrée des Russes ici, l'entrée des Autrichiens est représentée ici, et puis l'entrée des Prussiens à la porte Saint-Denis dans ce tableau de Zippel également. Et non seulement Dominique Vivant-Denon, que vous voyez ici, va faire en sorte que le musée soit présenté dans tout son lustre, mais il va également faire en sorte d'inviter les souverains alliés, donc qui viennent en fait d'écraser la France, et surtout d'écraser celui qui a été jusqu'à maintenant le héros de Dominique Vivant-Denon, Napoléon. L'essentiel, manifestement, et pour d'autres administrateurs et fonctionnaires de ce moment-là, ce n'est pas d'être fidèle à Napoléon, c'est de garder ce qu'ils avaient construit. Pour Dominique Vivant-Denon, l'évidence, c'est qu'il faut sauver son bébé, sauver le Louvre, qui était son... Il a été le premier directeur du Louvre, on peut considérer qu'il est son spiritus rector, son père. Donc vous voyez Vivant-Denon ici, qui accueille à la monnaie des médailles, puisqu'on avait le sujet des monnaies depuis, qui nous accompagne depuis le début, j'ai pensé que ce tableau pouvait faire sens. Dominique Vivant-Denon, qui reçoit ici François Ier d'Autriche et d'autres, il me semble-t-il ici, le roi de Prusse, mais avec une réserve, qui les reçoit dans la monnaie des médailles. Tableau qui montre donc la bonne entente de Denon et des alliés, et d'ailleurs, à cette occasion, vont être frappés des médailles pour l'empereur d'Autriche, que vous voyez ici avec cette inscription « Sa Majesté l'empereur d'Autriche visite la monnaie des médailles 1814 », mais aussi pour le roi de Prusse. Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, visite la monnaie des médailles 1814, le voici, etc. Et puis nous avons cette exposition, déjà évoquée, que Dominique Vivant-Denon ouvre dans son musée. On a de très nombreux témoignages de visiteurs donc de ces musées, et ces années-là sont pour nous extrêmement intéressantes, pour nous qui faisons de l'histoire des musées, puisque tous ou presque, et en tout cas tous ceux qui ont laissé des traces écrites ou des traces dessinées, sont allés voir le musée Napoléon, et souvent c'est parce que l'armée les avait amenés à Paris qu'ils sont venus à Paris, elles n'y seraient jamais venues. Vous avez ri avant que je lise cette citation de Matvei Mouromtsev, 1814, qui était l'un des officiers accompagnant l'armée russe, qui dit dans ses mémoires « C'est plutôt honteux, mais à part le musée Napoléon, je n'ai rien vu de Paris, car j'ai passé mon temps à boire, à manger et à m'amuser. » C'est-à-dire que même les plus débauchés, même les plus canailles, en quelque sorte, s'ils voient une chose, ils voient le musée Napoléon, et c'était extrêmement précieux pour nous. Alors on a une foule considérable de sources, il faudrait plusieurs années de séminaires ou de cours ici pour toutes les considérer, une très grande foule de sources dans toutes les langues européennes qui décrivent la vie à Paris en 1814 et 1815, pendant ces 12 mois, presque 12 mois d'occupation, et qui décrivent aussi souvent, non seulement le Louvre, mais aussi la Bibliothèque nationale, le musée de l'artillerie parfois, quand ce sont des militaires, le Jardin des Plantes, le Muséum d'Histoire Naturelle, donc ces établissements d'instruction publique qui avaient été créés en 1794 avec l'idée qu'il fallait qu'ils soient ouverts à l'Europe entière. Et là, peut-être pour la première fois depuis que cette idée avait été créée, l'Europe entière, peut-on dire, ou en tout cas une certaine fraction de l'Europe, l'Europe militaire ou l'Europe diplomatique, est en effet à Paris. Je vous montre quelques-uns de ces titres, et puis après on va s'engouffrer pour une vingtaine de minutes où on aura seulement du texte, alors il faudra s'accrocher. Ici, par exemple, un texte d'un révérend, d'un religieux, Richard Boyle Bernard, qui décrit Paris en 1814, pendant l'été et l'automne 1814, c'est-à-dire exactement la période qui nous intéresse. Un autre ouvrage d'un capitaine de l'armée britannique qui vient à Paris pendant le mois intéressant de juillet 1815, série de lettres, ou d'autres publications qui interviennent un petit peu plus tard, un an après ou deux ans après cette occupation, qui sont en fait déjà des mises en récit de ce qui s'est passé, comme ici « Über die Wegführung und die Zurückkunft der braunschweigischen Kunst- und Bücherschätze von dem Herrn Hofrat und Professor Imperius », c'est-à-dire sur le départ et le retour des œuvres d'art et des livres précieux de Braunschweig, de Brunswick, décrit par le professeur Imperius, qui était le directeur des musées de Brunswick, qui va donner un très long récit, on y reviendra tout à l'heure, de sa venue à Paris en 1814 et 1815, ou encore, on l'évoquait à l'instant, ses souvenirs de 1814-1815 de Mikhail Sklovski-Danilevski, dont le prénom est Alexander Ivanovitch, né en 1790, et qui était un des adjudants du tsar Alexandre. Ou, donc, soit des sources publiées immédiatement, soit, comme ses souvenirs-ci, publiés en 1832, donc quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard, ou même des lettres, des correspondances privées comme celles entre Guillaume et Caroline de Humboldt, les lettres qu'ils ont échangées entre 1815 et 1817, publiées 100 ans après à Berlin en 1912. Wilhelm von Humboldt, Guillaume de Humboldt, était celui qui pour la Prusse était responsable de la diplomatie et notamment au Congrès de Vienne, à ne pas confondre avec son frère Alexandre de Humboldt, celui qui a voyagé en Amérique du Sud, et qui était d'ailleurs aussi impliqué dans les histoires de restitution. Mais en tout cas, Guillaume de Humboldt est celui qui, à Paris, va s'occuper des réclamations. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, sa série 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, aujourd'hui à chacun son universel. Thank you. vous plonge un petit peu dans ces textes, mais seulement de manière exemplaire. Il faut vraiment, pour pouvoir prendre la mesure du discours, en tirer le plus possible. J'ai fait une petite sélection pour vous aujourd'hui et pour essayer de creuser notre question. Ici, dans ce récit publié en 1814 d'une visite à Paris en juin 1814, Henry Wensey, qui est un antiquaire britannique, écrit « La seule vue de cette galerie suffit à récompenser d'un voyage à Paris. On ne vous y presse pas, comme en Angleterre lors des visites des collections des grands. Vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez et vous attarder devant une toile aussi longtemps que vous le désirez, afin d'apprécier pleinement son excellence. » Donc si on essaye de savoir quels sont les critères de ce musée universel, de ce musée pour tous, on constate d'abord qu'un des critères, manifestement, quelque chose qui plaît au public, c'est ce que Dominique Poulot appelle l'éthique de la libre jouissance, c'est-à-dire le fait qu'on peut regarder sans être, d'abord sans payer, plus ou moins gratuitement, mais aussi et surtout sans être pressé par un guide qui vous oblige d'aller d'un tableau à l'autre, un custode, comme c'était souvent, mais pas partout le cas, dans le reste de l'Europe. Donc, le visiteur, ici, fait l'expérience d'une jouissance totale et personnelle, individuelle, à son propre rythme, de ce grand musée. Donc l'expérience de ce musée vous récompense, suffit à vous récompenser d'un voyage à Paris. Autre texte, ici, le célèbre journal de la campagne de Waterloo par Cavalier Mercer, qui est connu pour le rôle qu'il a joué dans la bataille de Waterloo, qui n'est donc pas un connaisseur d'art et qui écrit lui-même dans son journal de campagne « Je ne me pose pas comme connaisseur ni en tableau ni en sculpture, ce qui fait que je n'ai pas grand-chose à dire de cette célèbre collection, si ce n'est ma très réelle admiration de ce que j'ai vu. Mes émotions devant chacun des différents chefs-d'œuvre rassemblés là pourraient être un sujet d'amusement à une époque postérieure. » On sent le soldat, le militaire un peu gêné ici. Donc il prévient qu'il n'a rien à dire, mais il dit quand même, et ce qu'il dit, c'est qu'il a été ému, extrêmement ému. Donc le musée est un lieu de liberté, d'accès aux œuvres. Le musée est un lieu d'émotion esthétique, émotion devant chacun des différents chefs-d'œuvre rassemblés ici. Donc la masse contribue aussi à l'émotion que ressent ce militaire, cet officier britannique. Autre remarque d'un Russe qui accompagne aussi l'armée russe, le voici, il s'appelle, je l'ai en cyrillique, il s'appelle Muravyov Karski Nikolaï. Il fait partie, donc lui aussi, de la suite d'Alexandre le Grand. On voit dans ce texte publié à la fin du 19e siècle qu'il donne aussi un récit de sa venue à Paris en 1814. Quand on est face à un texte cyrillique comme ça, la bonne nouvelle, c'est que le musée Napoléon, le musée de l'artillerie, la galerie des tableaux sont notés en caractère romain, donc on peut repérer toujours, tout de suite, les passages intéressants. Et ici, dans ce passage intéressant, donc musée Napoléon, galerie des tableaux, musée de l'artillerie, on voit que cet officier russe explique ici que c'est la première fois qu'il a pu voir notamment l'Apollon du Belvédère et la Vénus qui étaient venus de Rome. Et sous-entendu, ça veut dire qu'à Paris, dans ce musée universel, on peut voir des pièces que venant de Russie, venant de Moscou, venant de Saint-Pétersbourg, on n'aurait probablement jamais de sa vie pu voir à Rome, mais on a vu tout réuni à Paris. Donc cette réunion est aussi considérée comme quelque chose d'avantageux. En tout cas, c'est décrit ici comme avantageux. Si on continue ce tour d'Europe des personnes présentes dans le Louvre, qui vont dans le Louvre en 1814, on est frappé de voir que même ceux qui sont activement impliqués dans la reprise des œuvres, en fait dans le démantèlement du Louvre, ou en tout cas dans l'organisation des retours, même eux adorent le Louvre. C'est-à-dire, non seulement ils passent du temps, mais décrivent l'admiration qu'ils ont pour ce musée dans leurs lettres. Par exemple, ici, les lettres de Guillaume de Humboldt à sa femme Caroline. Donc Caroline von Humboldt reste en général, enfin, elle reste à Berlin, et Wilhelm von Humboldt, qui lui voyage beaucoup, qui va être dans ces années-là à Paris, à Vienne, à Londres, lui écrit pratiquement quotidiennement, ce qui est une source excellente pour nous, pour reconstituer son travail de diplomate. Le voici ici, Guillaume de Humboldt, représenté par Thomas Lawrence, le grand peintre britannique. Il écrit en juillet 1815, Paris le 29 juillet 1815, à sa femme, c'est-à-dire qu'on est juste dans les premières semaines après Waterloo. Vous vous souvenez que Waterloo a lieu le 18 juin 1815, donc un mois après à peu près. Guillaume de Humboldt écrit à sa femme, Ici, je le lis rapidement en allemand et puis je ferai une traduction. Ich schrieb dir, glaube ich, schon, dass ich, so viel es nur angeht, täglich im Museum bin. Je t'ai écrit déjà, je crois, que autant que possible, je vais tous les jours au musée, sous-entendu au musée Napoléon. Bis jetzt habe ich mich auf die Statuen beschränkt. Jusqu'à maintenant, je me suis occupé seulement des statues. Es ist doch sehr, sehr viel, was ich nie gesehen hatte, vorzüglich aus Villa Albani. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais jamais vues, en particulier venant de la Villa Albani. Il faut dire que Léon Humboldt avait été ambassadeur de Prusse à Rome pendant plusieurs années. Donc, même en ayant vécu à Rome pendant longtemps, Guillaume de Humboldt, qui a pris goût à Rome, aux arts, à la statuaire antique, va au Louvre et continue en quelque sorte ses travaux. Il n'y va pas là pour repérer ce qui appartient à la Prusse, il y va pour se former, pour augmenter sa connaissance de l'histoire de l'art, pour faire... Il est aussi le fondateur de l'Université de Berlin et il est l'inventeur pour le monde allemand germanophone du concept de Bildung, c'est-à-dire d'éducation de soi-même, pour se grandir, pour devenir un bon citoyen. Et ici, on le voit donc en 1815 au musée, en train d'aller se former, continuer de se former dans le sens de Bildung. Donc, il voit beaucoup de choses, y compris de la Villa Albani. Es ist ein unendlicher Genuss und wirklich meine einzige Freude hier. C'est un plaisir infini et, pour ainsi dire, mon seul plaisir ici. Donc, en fait, on voit un diplomate qui travaille à Paris, qui est donc pour des raisons professionnelles à Paris, dans une situation difficile de négociation, et il écrit à sa femme, alors qu'il est en train de négocier le démantèlement ou le retour des œuvres prussiennes, il écrit à sa femme, « Mon seul plaisir ici, en fait, c'est le Louvre, c'est d'être tranquille au Louvre, c'est d'y travailler, c'est d'y voir la beauté, etc. » Das Museum ist für uns Pariser, gehen gar nicht hin. Le musée est pour nous. Les Parisiens n'y vont plus, oder werden viel mehr nicht eingelassen, ou alors on ne les fait plus entrer. C'est ouvert de 9h du matin à 6h de l'après-midi, und man kann also jeden freien Augenblick benutzen. Et dès que j'ai une minute, ou dès qu'on a une minute libre, on peut l'utiliser pour profiter du musée. Es ist ein noch nicht ganz fertiger neuer Saal gemacht, in dem die Musen, die Feldrische Palace, der Borghesische Fechter, die schöne Amazone und eine Menge anderer Statuen stehen. Und der weit schöner eingerichtet ist als irgendein anderer Saal des Museums. Il y a ici une salle qui est en préparation, nous dit-il, pour la Palace de Velletri et le... Comment on l'appelle en français ? Borghese ? Oui, j'entends pas. voilà, cette salle est en cours de préparation et c'est la plus belle salle du musée. Donc non seulement lui est là pour récupérer les œuvres prussiennes, mais il décrit non seulement le Louvre comme il est, mais en plus comme il va devenir, le Louvre en devenir, alors qu'en fait, ce moment, évidemment, s'arrête. C'est extrêmement intéressant. Dans le magazine de Brunswick de 1876, le directeur du musée de Brunswick décrit lui aussi son expérience de la reprise des œuvres en 1814, il est venu à Paris avec ses deux enfants, son fils et sa fille. Il a laissé une de ses filles ou deux de ses filles à Brunswick. Il est venu avec ses deux enfants aînés pour que ses enfants puissent voir le musée, puisqu'il sait lui aussi que ce musée n'existera plus. Il écrit « Le musée n'a pas encore trop de lacunes, même depuis que les Prussiens, les ceux de Brunswick, les Hessois et ceux du Mecklembourg sont en train de se servir ». Les lacunes augmentent de jour en jour, mais on en profite, tant qu'il n'y a pas trop de lacunes, j'y vais avec les enfants, nous écrit-il, il revient plus tard aussi une autre fois sur ses enfants, et dans une autre lettre à sa femme du 24 août 1815, il précise « Malgré tout ce qu'on est en train de soustraire au musée, on peut être très heureux, et c'est très commode, c'est très confortable, de pouvoir voir les chefs-d'œuvre de l'art réunis en un lieu, alors qu'ils vont être maintenant dispersés. » Donc ça, c'est un argument extrêmement important qu'on avait déjà senti. Ces œuvres, ces chefs-d'œuvre de l'art sont en un lieu et c'est extrêmement annehmlich, c'est extrêmement commode. C'est pratique, c'est agréable et c'est pratique. « Solch eine Vereinigung wird die Welt vielleicht nie wiedersehen. » Une telle réunion, le monde ne la verra peut-être plus jamais. C'est sans doute la dernière fois qu'on voit ça, ce sera plus jamais possible, et donc il faut profiter. Mais il précise ici, et on entre déjà pratiquement dans notre deuxième chapitre de la séance d'aujourd'hui, mais si le prix pour réunir un tel musée, c'est le prix qu'il a fallu payer cette fois-ci, c'est-à-dire la destruction du paysage muséal européen, si ça c'est le prix à payer pour avoir une si grande réunion de chefs-d'œuvre, alors il vaut mieux renoncer. Et c'est là que les choses tournent. C'est-à-dire qu'en fait, on voit en 1814-1815 l'intelligentsia européenne dire « Ce modèle est beau, ce musée est beau, la chose est extrêmement enrichissante, est émouvante et instructive, nous permet de grandir comme être humain, mais le prix à payer pour ça était trop fort, puisque le prix à payer pour la présence à Paris de ces chefs-d'œuvre, c'est leur absence, partout ailleurs et ce prix est trop fort, donc il vaut mieux renoncer. C'est la conclusion à laquelle arrive ce bourgeois directeur de musée de Brunswick. Et sa fille, qu'il avait emportée, fait venir avec lui, qui a 16 ans, qui s'appelle Wilhelmine, elle écrit à ses sœurs, et sa correspondance est aussi publiée plus tard, elle écrit à ses sœurs que pour elle, l'expérience du musée est la chose la plus sublime qu'elle a jamais vécue. Elle a 16 ans, elle arrive à Paris. Alors, elle explique ici, au début de cette lettre, on va lire simplement le début, « Les affaires de papa avancent bien et j'espère qu'ils vont pas retenir papa trop longtemps ici. » Donc, papa est venu pour le musée de Brunswick pour récupérer les œuvres. Là encore, on est face à quelqu'un qui récupère. « Von den Merkwürdigkeiten von Paris habe ich erst das Museum gesehen. » De tout ce qu'il y a d'intéressant à Paris, j'ai vu pour le moment seulement le musée. Seulement ? J'ai dit seulement. Mais si j'étais pas en train à moitié de dormir pendant que je t'écris, j'aurais pas utilisé ce mot-là parce que ce n'est pas seulement le musée, c'est tout. Ce musée, c'est absolument tout ce qu'on peut imaginer. Donc, même si on a vu seulement le musée, on a déjà tout vu et encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Die Meisterwerke der Kunst aus allen Zeiten, die hohen Göttergestalten Griechenland und Roms treten hier vor unseren Augen und erfüllen die Seele mit großen und feierlichen Eindrücken. Les chefs-d'œuvre de l'art de tous les temps, les plus grands dieux de la Grèce et de Rome se présentent ici devant nos yeux et remplissent notre âme avec les plus grandes et les plus solennelles impressions. Alors, on est extrêmement impressionné. Längst vergangene Jahrhunderte scheinen aus ihrer fernen Vergangenheit. Donc les siècles passés semblent se relever devant nous et être présents. Donc le passé devient présent dans ce musée. Et cette expérience a été pour moi l'une des plus considérables que j'ai jamais vécues. Elle continue, mais, et là simplement la première phrase, elle aussi ajoute, après la joie ou le plaisir d'avoir vu cette formidable collection encore entière, je ne connais pas d'autre plaisir que celui de la voir disparaître. Donc, il y a un immense plaisir, c'est d'avoir vu ça, et le plaisir juste après, c'est de savoir que ça va disparaître. Et là, on est vraiment dans ce que j'ai appelé ici l'universel et ses contradictions. C'est-à-dire que tout le monde, toute l'Europe, tous les pays d'Europe, les acteurs reconnaissent l'intérêt intellectuel, émotionnel, historique de ce lieu, mais ne veulent pas payer le prix du point de vue de l'extérieur de Paris, ne sont pas prêts à accepter les destructions qui ont été liées à cette construction. Puisque quand il y a ici, dans ce cas-là, construction, la destruction n'est pas loin. Alors cette contradiction, on la trouve dans de nombreuses sources. J'ai repris ici le récit du révérend Bernard à l'été et l'automne 1814. Il écrit à propos des vols, ce qu'il appelle les vols commis en Italie, donc c'est un Britannique. L'Italie, dont les habitants sont justement réputés pour leur amour des arts, et qui, pour beaucoup d'entre eux, vénéraient leurs tableaux comme autant d'ornements de leurs églises. Donc ici, l'un des prix à payer, c'est que ces Italiens qui aimaient tant l'art, qui sont attachés à leur patrimoine, ont été privés de leur patrimoine, et ce vol, ce que Bernard ici qualifie de vol, est insupportable. Et c'est pour ça que les Anglais, enfin, chacun a sa propre voix, mais on peut dire que les Anglais, diplomatiquement, se sont beaucoup investis pour le rapatriement des œuvres en Italie, souvent ou toujours, pratiquement avec cet argument, mais les Italiens aiment les arts. On ne peut pas les priver de leur art, même si le résultat est extrêmement bien. Et à l'inverse, et ça c'est un argument peut-être rhétorique qui intervient toujours quand on dit que les Allemands ou les Italiens aiment leur art, on retrouve dans ces sources-là qu'à l'inverse, les Français ne possèdent aucune sensibilité de cette espèce et apprécient les chefs-d'œuvre uniquement parce que leur mérite est incontestable et que leur vanité en est flattée. Ce butin de leur victoire doit attirer davantage encore les étrangers dans leur capitale. Donc là, on voit que l'argument contre-universel, c'est de dire, bon, le problème du musée universel ici, c'est que ces œuvres uniques, authentiques et qui n'existent qu'en un exemplaire, sont en un lieu unique. Et qu'en les mettant à Paris, elles ne sont pas ailleurs. L'absence et la présence sont extrêmement liées. Et ici, donc, soit on peut dire, ok, mais la présence intéresse tellement les Français qu'ils en tirent des avantages considérables, que leur école de peinture, etc., ou celle de l'Europe s'est améliorée. Ou alors, rhétoriquement, on dit, et en plus, non seulement c'est à Paris, mais en plus, ça n'intéresse pas les Français. Donc cette réunion, en fait, n'est pas légitime, puisque sa légitimité, c'est son utilité. Vous voyez la construction qui est en train de se faire là. Et l'argument selon lequel les Français n'aiment pas vraiment les arts, ils aiment juste qu'il y en ait beaucoup, et qu'on leur dise que c'est très important, on le retrouve dans pratiquement la plupart des sources de ces années-là. Ici, vous voyez donc ce militaire britannique, Fellows, qui décrit en juillet 1815 également, qu'on voit au musée Napoléon, je le cite, les spécimens les plus rares de l'art rassemblés en ce lieu par le vol et le pillage. Que la nation française appelle cela comme il lui plaît. Les Français, dans leur description des différentes sculptures et peintures, ne se montrent pas, comme on l'attendrait, anxieux d'éviter toute allusion à la manière dont ils ont pris possession. Dans leur notice de la Vénus Médicis, ils écrivent par exemple, citation, « La France a dû l'Apollon aux victoires de Napoléon pendant sa dernière campagne d'Italie. Sa munificence a valu aux arts ce second chef-d'œuvre. » Et ailleurs, ce buste est tiré du musée du Capitole à Rome. Donc là, ce qui gêne le visiteur étranger, c'est l'espèce d'arrogance française qui assume, en quelque sorte, d'avoir pris, d'avoir soustrait ces pièces à l'étranger, sans même s'en cacher, nous dit ici le visiteur. Donc on avait d'abord, dans un premier temps, l'image du Français qui ne s'intéresse pas à son musée universel. D'autre part, cette autre image des Français qui sont fiers des provenances de ses œuvres, ou encore ici, dans cette pièce russe, un témoignage selon lequel, nous dit l'auteur, les Français, en fait, quand ils assistent au démembrement du musée Napoléon, ne sont pas particulièrement affectés. Ils n'ont pas l'air tellement tristes, d'ailleurs, et nous dit cet auteur, sauf on raconte qu'il pleure, vous vous souvenez de la représentation de l'artiste français pleurant les départs, et donc ici, ce témoin russe nous dit, non, on vous raconte que les Français sont tristes du démembrement du musée, mais c'est pas vrai du tout, en fait, ça leur importe peu. Et, pour ajouter à cela, on a comme source souvent citée l'histoire de la peinture en Italie de Stendhal, qui lui aussi donc revient sur la question du démembrement du musée Napoléon en 1815, quelques années plus tard, et écrit « C'est les sentiments de ravissement, de bonheur, de plaisir que j'entends exprimer chaque jour à côté de moi en me promenant dans ces longues salles du musée étaient sincères. Ce lieu serait plus assiégé que la porte d'un ministre, mais le musée de Paris est désert. Ces tableaux disséminés en Italie avaient chaque jour 3 ou 4 visiteurs passionnés qui venaient de 100 lieues pour les admirer. Ici, je trouve 8 à 10 élèves perchés sur leurs échelles et 12 d'étrangers dont la plupart ont l'air assez mornes. » Donc là encore, l'idée qu'on a certes réuni un ensemble exceptionnel, mais que son utilité serait bien plus grande, ou en tout cas l'intérêt que le public européen portait aux différentes œuvres était plus grand quand ces œuvres étaient disséminées dans des églises et pas rassemblées dans une telle masse à Paris. Je finis rapidement sur la troisième partie que j'ai intitulée « Universel multiple » et qui ici ouvre simplement quelques éléments que nous reprendrons dans les séances ultérieures, qui est en fait la question de savoir en 1814 et 1815, quand on voit ce qu'on appelle aujourd'hui un musée universel, ce musée Napoléon, quand on le voit repartir à tous les vents, quelles sont les idées, quelles sont les options qui sont liées à ce départ pendant son départ. Et ensuite, quand on accompagnera les œuvres au retour, on verra comment sont négociées ces différentes options. Mais donc, simplement 3 exemples sur les multiplicités d'options. L'une des idées, ou en tout cas l'un des doutes qui commence à être émis par les visiteurs en 1814-1815, qu'on a déjà entendu, mais qui sont parfois formulés explicitement, est celui de la question de la centralisation des œuvres. Le musée universel est un musée centralisé, et cette question de la nécessité de centraliser le patrimoine, ou des avantages qu'il y a à centraliser le patrimoine, cette question va être posée de plus en plus, ça commence là en 1815, et jusqu'aux années 1830, elle va être posée partout, en Belgique, en Allemagne, où les œuvres retournent, se pose absolument cette question de est-ce qu'on met tout à Berlin, est-ce qu'on met tout à Bruxelles, est-ce qu'on met tout à Amsterdam, ou est-ce qu'on va disséminer. Vous voyez ici donc Francis Hall, un lieutenant de l'armée britannique, qui à propos du musée Napoléon en 1818 note « Il faut se demander si nous désirons réunir les plus belles peintures dans une seule galerie d'Europe ou les redistribuer selon leur origine et leur destination. » L'idée de la redistribution ou de la juste distribution, c'est ça les universels pluriels, c'est l'idée que en fait, chacun de son point de vue, qu'il soit à Paris mais qu'il soit aussi peut-être à Brunswick ou en Espagne ou à Danzig en Pologne ou à Anvers, dans l'actuelle Belgique, que chacun peut créer un universel, mais qu'il y aurait un universel multipolaire avec des formats, des dispositifs différents pour chacun et adaptés à chacun. Et cette idée commence à germer ici, donc l'idée d'un universel multipolaire, en quelque sorte, qui est particulièrement important pour la question des œuvres d'art, puisque, comme je l'avais dit tout à l'heure et je le répète, l'œuvre d'art est unique. Donc si on réunit tout en un lieu, le lieu où c'est, créer un grand vide là où ça n'est pas. Stendhal, lui-même, dans l'histoire de la peinture en Italie, propose une option de ce type. Comme artiste, il voit infiniment mieux qu'il soit en Italie. les trésors de l'art. Ce voyage à Paris, aux œuvres d'art, leur art a donné de l'importance aux yeux des gens titrés. Quant à la voix de la raison, elle disait de faire 20 collections assorties et de les envoyer dans les 20 villes les plus peuplées d'Europe. Ici, ce serait un modèle, donc le modèle proposé par Stendhal, ce serait un modèle quand même centralisé, que Paris, ou que d'un centre, on crée des collections assorties et qu'on les distribue en Europe. C'est-à-dire qu'elles seraient un peu les mêmes partout, ce serait un modèle comme celui de la création des musées Chaptal en 1802, qui a créé des musées à Grenoble, à Caen et dans toutes les grandes villes de province. Et lui, il imagine ici une sorte de modèle comme ça, européen, mais qui partirait d'un centre. C'est autre chose. Ce serait le modèle Louvre Abu Dhabi, si on veut, ou Louvre-Lens. Alors que le modèle précédent est plutôt celui d'une réflexion qui se pose la question comment redistribuer en fonction de l'origine et de leur destination, c'est-à-dire de leur usage. Est-ce qu'on peut imaginer une redistribution qui ne soit pas uniforme? Le modèle proposé par Stendhal ici, c'est un modèle uniforme. On fait 20 fois les mêmes galeries assorties et on les distribue partout. Du point de vue de Brunswick, de notre directeur de musée à Brunswick, donc qui redit une fois de plus dans une autre citation que je vous épargne combien ce musée parisien est formidable, il finit cette nouvelle lettre à sa femme en disant que nous trois, je veux dire moi et les enfants, on a vu tout ça avec la plus grande attention et nous avons joui de ses beautés. Donc une fois de plus, il redit à sa femme, c'était exceptionnel d'être ici, mais la phrase d'après directement, et maintenant nous avons l'espoir de créer un musée de tableaux à Braunschweig, de recréer, de faire renaître une galerie de tableaux à Brunswick, puisque Brunswick avait une galerie de tableaux qui avait été dépouillée, donc fermée pendant 6 ou 7 ans, pendant que les œuvres étaient à Paris. Et l'idée qu'on va pouvoir récupérer quelque chose et en faire quelque chose de mieux, et pour ceux qui avaient déjà des collections, une idée clé. Et pour finir, la réflexion d'un Français qui se trouve face à un Louvre vidé, et de manière intéressante, la réflexion d'un Français, Pierre-Marie Gault de Saint-Germain, mais qui est traduit ici, sa réflexion est traduite dans une revue italienne, Lo Spettatore, de 1815. Mais ce texte avait été d'un historien de l'art, donc Pierre-Marie Gault de Saint-Germain, publié dans son Guide des amateurs de peinture. Et lui décrit donc le musée. Vous voyez ici dans l'introduction un chapitre ou 3 pages consacrées au musée, au concept de musée, pas un musée précis. Et puis, donc le texte est ici dans la partie supérieure. Et dans une longue note en bas de page, Gault de Saint-Germain revient sur l'expérience du musée Napoléon et écrit « Ce même muséum, le Louvre donc, le musée Napoléon, a étalé aux yeux de l'Europe tous les chefs-d'œuvre du monde. » Dans cet état de splendeur, il s'écartait des vues du fondateur qui le destinait aux productions nationales. Il considère dans la partie précédente de ce texte que le fondateur du musée Napoléon, c'est Louis XVI. Donc on est sous la Restauration et là, il essaye de fabriquer une continuité entre l'Ancien Régime et la Restauration. Il fait l'économie ici dans ce texte de Napoléon. C'est une construction historique, mais ce qui nous intéresse vient après. Donc, en étalant aux yeux de l'Europe tous les chefs-d'œuvre du monde, le musée s'est écarté des vues de son fondateur, qui le destinait aux productions nationales, donc à l'art français. Aujourd'hui, dépouillé du fruit de nos injustes victoires, le musée reprendra sa première destination. À côté des grands modèles de l'Antiquité, on y placera ceux des beaux temps de l'art en France. Magnifique et nombreux, le muséum n'en sera que plus varié et peut-être plus éclatant. Nos richesses éparses, surtout en sculpture, ne sont bien connues que des savants. Rassemblées au muséum, elles étonneront l'univers. Ce sera donc l'art français, dans son projet à lui, l'école française, qui pourra étonner l'univers et avoir une qualité universelle. C'est ce que le grand historien des musées, Édouard Pommier, appelle pour l'Italie, on reviendra là-dessus dans une des séances qui viennent, un musée identitaire, entre guillemets. On aurait ici un musée français, mais qui aurait une telle puissance qu'il serait un musée universel. Un musée qui épaterait l'univers. Le dommage, donc, que les sculptures françaises, le dommage qu'elles ont éprouvé dans les révolutions, la manière dont elles ont été recueillies, l'état où elles se trouvent, exige d'immenses recherches dont je me suis occupée avec une activité sans bornes. Et toutes ces recherches m'ont entraînée à composer un ouvrage que je me propose de publier incessamment, ayant pour titre, etc. Donc, on a ici un exemple d'un Français qui réfléchit à la possibilité d'un musée universel qui ne comporterait pas le patrimoine annexé de tous les autres, mais dont l'universalité viendrait de la force et de la qualité d'une école française. Et ce modèle-là est le modèle, en fait, qu'on connaît aujourd'hui encore dans un grand nombre de musées italiens, puisque les musées italiens, en général, présentent